Selon le journal internet sud-coréen Jazu Sibon, en Corée du Sud, le comité de lutte de Choson de Songju pour le retrait de l'installation de SAD, le comité de mesure des citadins de Kimchon contre l'installation de SAD, le comité de mesure d'urgence pour la défense du lieu sacré de Songju du bouddhisme Won, l'action nationale pour l'arrêt de la disposition de SAD, le comité de mesure de Daegu et du Gyeongsang du Nord contre le SAD et le comité de mesure de Busan, d'Ulsan et du Gyeongsang du Sud pour l'arrêt de la disposition de SAD ont organisé le 28 août devant l'ambassade américaine à Séoul une conférence de presse pour protester contre les menées d'installation par force de l'armement d'agression américain.